Chapitre 96. Les adieux et les recommandations aux amis lors du départ en voyage, les invocations en leur faveur et la demande de leurs invocations. Allah Ta'ala dit: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en soumis à Allah. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils: qu'adorerez-vous après moi? Ils répondirent: nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Sourate 2, versets 132 et 133. 712. Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhu, a dit: le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se leva un jour pour nous faire un prêche. Il loua Allah, le glorifia, et nous exhorta en disant: ô les gens, je ne suis qu'un être humain, et l'ange de la mort va bientôt s'emparer de mon âme. Je laisse parmi vous deux choses considérables. La première est le livre d'Allah, qui contient la voie droite et la lumière. Suivez donc le livre d'Allah et attachez-vous-y fermement. Il incita les gens à obéir au livre d'Allah, puis ajouta: la seconde est ma famille, Ahlul Bayt. Je vous rappelle les droits de ma famille. Le hadith, rapporté par Muslim, a déjà été cité en son entier, numéro 346, au chapitre numéro 43, sur l'honneur dû à la famille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. 713. Abu Sulayman Malik ibn al-Huwayrith rapporte: je me suis rendu avec un groupe de jeunes de mon âge chez le prophète, alayhi salatu wa sallam. Nous demeurâmes chez lui une vingtaine de jours. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui était clément et doux envers nous, devina alors que nos familles nous manquaient. Il nous interrogea sur elles, puis lorsque nous l'eûmes informé à son sujet, il nous dit: retournez auprès de vos familles, enseignez-leur l'islam et ordonnez-leur le bien. Et accomplissez chaque prière à l'heure prescrite. Lorsque l'heure de la prière est arrivée, que l'un d'entre vous fasse l'appel et que le plus âgé la dirige. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version d'Al-Bukhari, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a ajouté: et priez comme vous m'avez vu le faire. 714. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a dit: j'ai demandé au prophète, sallallahu alayhi wassalam, la permission de partir accomplir un pèlerinage, une umrah. Il me l'a accordé en me disant: petit frère, ne nous oublie pas dans tes invocations. Ce furent pour moi des mots que je n'aurais échangés pour rien au monde. D'après une autre version, il a dit, alayhi salatu wassalam: associe-nous, petit frère, à tes invocations. Abu Dawud et At-Tirmidhi a dit: hadith Hassan Sahih. Hadith jugé faible par Sheikh Al-Albani. Rahimahullah. 715. D'après Salim ibn Abdullah ibn Omar, son père Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma disait à l'homme qui s'apprêtait à partir en voyage: approche-toi que je te salue comme le faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec nous. Il disait: je confie à Allah ta religion, ta loyauté et tes dernières œuvres. Astaudi'u Allah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. At-Tirmidhi a dit: hadith Hassan Sahih. 716. Abdullah ibn Yazid al-Khatmi, radiyallahu anhu, a dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, saluait l'armée avant qu'elle ne se mette en marche en disant: je confie à Allah votre religion, votre loyauté et vos dernières œuvres. Astaudi'u Allah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Hadith authentique rapporté notamment par Abu Daoud avec une chaîne isnad authentique. 717. D'après Anas radiyallahu anhu, un homme se rendit auprès du messager d'Allah alayhi salatu wassalam et lui dit: ô messager d'Allah, j'ai l'intention de partir en voyage. Invoque Allah en ma faveur. Littéralement, accorde-moi des provisions de route. Qu'Allah te fasse provision de piété, dit-il sallallahu alayhi wa sallam. Ajoute-moi, dit l'homme. Qu'il te pardonne tes péchés. Ajoute-moi, dit-il. Qu'il te facilite le bien où que tu sois, conclut-il alayhi salatu wa sallam. At-Tirmidhi a dit: hadith Hassan.